Bon, on va continuer dans le cinéma, et cette fois-ci, Rechef sur grand écran, avec le deuxième film de Éric Guirado, qui s'appelle Le Fils de l'épicier. Alors Éric Guirado, en fait, deuxième film, ce n'est forcément pas quelqu'un qui est très très connu. Éric Guirado, c'est un Français qui est au départ journaliste et qui a travaillé pour les télévisions régionales de France 3, qui ne sont pas très connus en Belgique et pour cause, mais dont on peut dire que c'est quand même quelque chose de très très intéressant, le réseau des télévisions régionales de France 3, puisque ils ont dans chaque région de France des centres de production qui réalisent non seulement des petites nouvelles du soir qu'on peut nous voir à France 3, parce que le journal des régions sur France 3 le soir, où ils publient certains des reportages, etc. Mais en fait, ce sont des vraies unités de production, un peu comme étaient les centres de production RTBF de la grande époque, qui faisait des vrais documentaires, des sujets de fond, etc. Et donc, ces gens produisent une série de trucs qui sont souvent de grande qualité. C'est pas National Geographic, il faut pas exagérer, mais enfin, quand même, ils font souvent des très chouettes trucs. Et donc, Éric Guirado fait ses premières armes dans ce circuit-là, donc les France 3, les régionales, et écrit et réalise des documentaires. Et puis petit à petit, il va passer au cinéma, il va réaliser un court-métrage qui s'appelle Un petit air de fête, qui va quand même obtenir le César du court-métrage en 2001, c'est quand même pas rien. Et puis il va passer au long en 2002 avec Quand tu descendras du ciel, qui ne vous dit peut-être pas grand-chose, c'est pas un film extrêmement connu. Mais déjà dès son premier film, on remarque son ancrage très fort dans le social, que ça raconte l'histoire d'une exploitation agricole, et puis d'un sans-abri, d'un sans-domicile fixe, qui va se faire chasser et enfermer par la municipalité, etc. Donc des thèmes assez sociaux quand même. Dans son deuxième long-métrage, qui s'appelle donc Le Fils de l'épicier, on retrouve un peu ce souci, puisque c'est l'histoire d'Antoine, un jeune gars un peu désœuvré, parigot, qui cherche du travail, mais comment dire, en pratiquant la méthode qui veut que si le travail le trouve le premier, c'est pas plus mal. Si tu vois ce que je veux dire un peu. C'est de chercher le travail, mais sans forcer la mécanique. Ça doit être une question de karma. Oui, voilà, c'est ça. Ce n'est pas la peine d'ouverture au monde. Voilà, exactement. Il est copain avec Claire, qui est d'ailleurs sa seule amie et donc forcément sa meilleure amie. On sent bien qu'il y a un petit quelque chose, mais clairement, Claire, pas fait exprès. Claire n'a pas l'air plus intéressée que ça, mais enfin bon, ils sont vraiment très amis. Et en fait, Antoine va lui faire une proposition, puisque son père, Antoine, vient d'avoir un accident cardiaque, donc se retrouve à l'hôpital, et c'est assez dramatique parce que c'est un des derniers petits épiciers dans un village paumé dans le sud de la France, dans les Pyrénées, je pense. C'est lui qui tient le commerce, et en plus il fait la tournée avec la camionnette. Donc à la fois c'est un commerce qui repose entièrement sur ses épaules, c'est un des derniers vrais petits indépendants de France, et patati patata, et en même temps il y a un tas de gens qui dépendent de lui. Puisque s'il ne fait pas sa tournée, y a des gens qui n'auront pas à manger, tout simplement, puisqu'il va faire tous les petits patelins paumés dans les Pyrénées. Donc, c'est là déjà, il y a quelque chose d'un peu tragique, puisque si son père ne ferme commerce, c'est un peu dramatique. Donc Antoine décide d'aller donner un coup de main. Il a des relations assez houleuses avec sa famille, qui a pas trop admis qu'il monte à Paris, qui cherche pas trop de boulot, qui soit un peu glandeur jeune, etc. Parce que quand même, dans la famille, on a des valeurs, le travail, son père, il a construit son commerce tout seul. Et puis le frère qui a réussi, qui a fait des études, qui a une belle voiture, qui a un boulot qui rapporte, une femme et tout ça. Alors qu'Antoine, qu'est-ce qu'il fait? Il glande, pas de femme, vraiment n'importe quoi. Salaud jeune. Salaud jeune, comme on disait tout à l'heure. Donc Antoine propose à Claire d'aller travailler pour l'épicerie familiale. En même temps, ça fera des vacances à Claire, qui essaye, elle, de passer des examens d'entrée pour une école en Espagne. Pas tellement précisé, mais enfin, visiblement, ses espoirs de boulot, etc., reposent là-dessus. Elle veut vraiment reprendre une formation. C'est des gens qui ont, comme ça, la trentaine. Donc, on n'est plus dans le monde des étudiants. C'est vraiment un moment donné où ils se retrouvent dans une situation un peu critique. Et là, Claire a vraiment décidé de mettre le pied à l'étrier. Ils partent dans les Pyrénées. Et, relation un peu houleuse. Le père d'Antoine n'ose pas trop refuser son aide, mais en même temps, on peut pas dire qu'il soit plus content que ça de le voir à son chevet. Ils vont reprendre la tournée. Et c'est vrai que ça se passe assez difficilement parce qu'Antoine, il est un peu égoïste, pas trop bon. Il faut une mentalité de service quand on fait ce genre de métier, ce qu'Antoine n'a pas forcément, effectivement. Et donc, au début, c'est un peu dur, il se dispute un peu avec les gens. Et puis petit à petit, il s'accroche quand même. Et puis il fait des tournées avec Claire. Et Claire, Claire, c'est un peu l'élément. Là où Antoine est quelqu'un d'assez sombre, Claire est un élément un peu plus solaire dans le récit. Donc elle va le pousser. Elle a un peu plus de joie de vivre et tout ça. Donc petit à petit, ils vont reprendre. Et à eux deux, ils vont faire tourner un peu le commerce en aidant la mère, parce que la mère tient la boutique dans le village, là où le père faisait la tournée. Et petit à petit, comme ça, il y a une espèce de dynamique qui va se mettre en place et qui va être propice à un tas de choses. Ben, notamment, Antoine va un peu s'ouvrir au monde. On sent bien qu'un de ses problèmes à Antoine, c'est d'être un peu fermé à tout ça. C'est pas très facile pour lui, finalement, de pas trouver du boulot, d'être glandeur comme ça. Parigo, sans trop de ressources. La relation entre Claire et Antoine va un petit peu se développer. Pas de spoiler, donc je ne vais pas vous expliquer s'il se roule des gros palos à la fin du film, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se... Et puis, il y a ce qui est exceptionnel dans le film, c'est qu'à travers cette histoire, parce que c'est l'histoire d'Antoine, c'est l'histoire d'Antoine et Claire, et puis c'est l'histoire de tous ces personnages dont certains sont vraiment truculents, qu'on rencontre dans les villages, puis c'est le petit vieux qui tient toujours sa ferme, mais bon, qui n'a plus trop le moral, mais... il est un peu sourd, mais en même temps, quand on blague avec lui 2 minutes parce qu'on vient avec la camionnette de l'épicerie, il finit toujours bien par sortir une bonne bouteille et puis on finit par se murger la gueule. Si on repart pas, ça va pas aller du tout à terminer là 11 heures du soir. Et puis la vieille qui a un caractère de cochon, qui l'insulte parce qu'il a oublié des marchandises et tout. Mais en même temps, on se rend bien compte qu'au fond, elle l'aime bien et qu'elle se rend bien compte qu'il a des problèmes et qu'elle est beaucoup plus compréhensive que ce qu'on pourrait imaginer. Et toute une série de personnages comme ça. Donc vraiment, c'est pas un récit choral dans le sens où ce ne sont pas tous des personnages principaux, mais à travers le parcours d'Antoine et de Claire, d'Antoine dans sa famille, où on sent bien qu'il va se passer des choses, et ben on rencontre comme ça tout un environnement de gens qui sont dans un milieu un peu reculé, un peu particulier. Et voilà, avec toujours donc cette espèce de réalisme social en toile de fond, qui est que si la tournée s'arrête, ces gens, ils vont aller au supermarché. S'ils vont au supermarché, ils n'auront plus jamais à l'épicerie. Donc il y a quelque chose de vital dans le fait de faire tourner la boutique. Et puis le père va revenir, il va pas tout à fait comprendre, il va y avoir des incompréhensions, etc., etc. Je m'arrête là parce que je veux pas du tout déflorer l'histoire du film, ça mérite vraiment d'être découvert, mais c'est vraiment quelque chose qui est absolument sympathique et on se laisse complètement emporter dans l'histoire de ces deux jeunes gens, finalement. C'est un peu un espèce de retour à la nature, finalement. Hein. On retourne à la campagne sur les traces de ses ancêtres, de ses parents, qui y sont toujours. Et puis, on se rend compte que la réalité ça, du ça terrain... Ça rappelle un peu ce film de François Duperron, aussi sur l'histoire d'un fils qui retourne, je sais plus si c'est à la montagne ou à la campagne, sur les traces familiales, et que voilà, qui se confronte aux dures réalités, et que... Ça ne me dit rien du tout, mais... Qui était vraiment très très chouette. Ça, dans le enfin, ton... Dans le ton, ça je, fait... Je brode un petit peu. Je crois que c'est pas tout à fait ça l'histoire, mais... Non, je... Il y a un truc... Avec Jacques Dufilho, je crois, aussi. C'est possible. Je vais essayer de chercher ça vite fait sur Allociné, mais dans le ton, ça fait un peu penser à ce film avec Mathilde Seigné. Comment ça s'appelait ? Mathilde Seigné et Michel Serrault. Une hirondelle a fait le printemps. Mm-hmm. Avec Mathilde Seigné, qui se retrouvait aussi... avec Michel Serrault, vieux berger à la montagne. Mais rassure-moi, les personnages ne sont pas aussi antipathiques que Mathilde Seigné, au moins dans le film. Je ne me souvenais pas qu'ils étaient antipathiques à ce point, mais... Non, mais rassure-moi. Non, les personnages sont absolument sympathiques, d'accord, justement, et c'est ça qui est... Enfin, sympathique n'est peut-être pas le mot, parce que c'est pas des personnages que... Tu vois, quand on pense retour à la terre, retour à la nature, à la campagne, on pense un peu « Oh, les petites fleurs et tout ça wow. ». En fait, non. Là, ils débarquent et en fait, ils se font plutôt regarder de travers par les habitants du cru. Et à la limite, c'est un peu ça qui choque Antoine aussi, où lui, il arrive et il a l'impression d'être le bienfaiteur de l'humanité. « Je fais ma bonne action, regardez comme je suis beau, j'ai repris la tournée de mon papa. » Et les autres le regardent, ils font « Bah ouais, ben quoi, tu veux des fleurs Vends-moi mon beurre et puis c'est bon, casse-toi, quoi, ça va ?» Et donc il y a dans ce côté un peu abrupt aussi quelque chose, parce que c'est pas du tout naïf, c'est pas du tout fleur bleue, etc. Il y a un truc qui est vraiment qui est tout à fait, qui passe complètement naturellement. On a vraiment l'impression de rencontrer des vraies personnes, quoi. C'est absolument pas naïf ou caricatural. J'ai pris la filmo de François Duperron, mais je dois bien t'avouer que il y a rien là-dedans qui, enfin bref, voilà. Toujours est-il que donc dans ce, alors que tu vérifies toi-même, bah oui, mais voilà, ce n'est pas la chambre des officiers, hein. Ça c'est une chose dont je suis absolument certain. C'est quoi la vie, tu penses, avec Eric Caravaca? Mais oui, et Jacques Dufilho. Bah écoute, voilà, c'est un film que je n'ai pas vu, mais enfin, peu importe. Ce qu'il y a dans ce film qui est tout à fait chouette, c'est la rencontre du spectateur avec un milieu social qui n'est pas évident, et à travers des personnages, qui sont vraiment très attachants, pas parce que sympathiques, mais justement parce que entiers, avec des problèmes, et on se les suit dans leurs problèmes. Et tout ne va pas être rose à la fin du film. C'est pas un récit initiatique où il y aurait un dénouement miraculeux à la fin, mais c'est vraiment super bien fait. Et on retrouve Le film est porté à bout de bras. Voilà. Ops. Parce que j'avais pas préparé, donc il faut que je prenne des choses, hein. Par deux acteurs qui sont très très chouettes. La première, qui joue Claire, s'appelle Clotilde Esme. Clotilde Esme, ça ne vous dit peut-être pas grand chose. C'est une jeune actrice, elle n'a pas tout à fait 30 ans. Française, qu'on n'a pas vu dans beaucoup de films, puisque elle a en tout et pour tout tourné un court métrage et peut-être deux longs métrages d'ici là. Mais par contre, vous la pouvez peut-être croiser dans le clip d'Alain Chamfort, celui qui était réalisé par Patrice Lecomte. Patrice Lecomte avait réalisé un clip pour Alain Chamfort. Malheureusement, je ne me souviens absolument plus du titre de la chanson. Je suis bien désolé de mon inculture. Mais bon. Sinon, vous avez pu la voir dans Le Chignon d'Olga ou Les Amants réguliers, pas des films qui ont vraiment défrayé la chronique. C'est une actrice que, comme moi, je les adore. Elle est pas d'une beauté renversante, c'est pas un top modèle ou quoi que ce soit, mais elle a quelque chose d'un peu sauvage dans le regard qui fait d'elle un personnage entier à l'écran et qui fait qu'on sent bien qu'il y a toujours une part d'elle qui échappe à Antoine, alors qu'Antoine, lui, visiblement, il est bleu d'elle. Et ils courent un peu après, donc ils sont amis, pas tout à fait amants, mais en même temps, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se nouer, donc très très étrange. Et puis, dans le rôle d'Antoine, on retrouve Nicolas Cazalet. Nicolas Cazalet, c'est un gars qu'on a déjà vu pas mal dans le cinéma français ces derniers temps, puisqu'on l'a vu dans le film de Gaël Morel, Les Chemins de l'Oued. On l'a vu aussi dans Le Grand Voyage, très très beau film de Ismaël Ferrouki, qui racontait le voyage d'un père et de son fils, une espèce de road movie comme ça, où ils décidaient de partir à la Mecque en voiture, à eux deux, et qui s'étaient jamais vraiment parlé dans leur vie, et puis ils finissaient par se rencontrer à travers ce voyage. Et surtout, on l'a vu récemment dans Pars vite et reviens tard de Régis Warnier. Voilà. Nicolas Cazalet, qui joue donc le petit jeune, un peu à la gueule burinée, un peu. Il a une gueule un peu de jeune beurre, mais pas tout à fait, on sait pas trop quoi. Et qui est merveilleux dans ce rôle, parce qu'il est renfermé, et en même temps, il exprime quelque chose à travers son enfermement et son manque de communication. Il exprime plein de choses vraiment très jolies sur la rencontre de l'autre, sur l'ouverture, sur la découverte de soi, etc. Donc, vraiment un magnifique film qui a obtenu au dernier festival du film francophone de Namur le prix du public et, si je ne m'abuse, le prix du jury. Mais pour ça, il faudrait que je retrouve le palmarès. C'est comme ce site est mal fait, je tiens à le dire. Le site du FIF est mal fait. Je peux le dire à l'aise. Oh là là. J'y travaille. C'est quoi tous ces gens qui travaillent au FIF qui savent pas ce qu'ils font? Ah oui, non, mais ça ne... Écoute, ça ne va pas du tout. Une espèce d'équipe de bras cassés là, qui fait le quotidien. Voilà. Là. Ouais, c'est n'importe quoi. Moi, je dis, il y a vraiment dû laisser aller. Donc, le prix du public et le prix du jury, si je ne m'abuse, en tout cas, ils méritaient bien ces deux-là. C'est un film qui est très, très chouette. C'est un film qui est à 100 000 lieues de machins comme Beowulf ou le Pirate des Caraïbes. Mais il faut de tout. Vous vous en doutez, mais il faut de tout. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un voilà. et l'autre. Et n'y allez pas pour voir un film avec une histoire spectaculaire ou quoi. C'est un truc tout simple. C'est un gars... Il s'est jamais super bien entendu avec ses parents. Il y a un truc bizarre avec son frère qui a l'air d'être un golden boy et tout ça. Et puis il va simplement retourner dans les Pyrénées, les retrouver. Et voilà. Et un il va bon se passer des choses. Un bon vieux film ancré dans le réel. Un bon vieux film ancré dans le réel. Et quelque part un film social aussi, à travers la peinture d'un milieu donc un peu oublié. Voilà, donc je ne peux que vous le recommander. Il est évidemment au Churchill et au Parc. Donc j'ai pas regardé vraiment les programmations, mais bon. Vous pas trouvez... de séance en 3D, il faut bien l'admettre. Exactement, mais en même temps, c'est pas grave du tout. par contre, il y a des séances, des moments où en couleur, notamment avec le bus, enfin la camionnette qui envoie un peu de toutes les couleurs. Ça a dû être un assez grand moment de joie dans le tournage. Donc voilà, je ne peux que vous recommander d'y foncer. Ça s'appelle Le Fils de l'épicier. Et ben. Malheureusement, hein, comme tous les films français ancrés dans le réel, il faut peut-être pas trop tarder à aller le voir. Ça va probablement pas rester 6 mois à l'affiche.